Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer une heure à peu près avec quelqu'un d'un petit peu particulier. Nous sommes tous particuliers, n'est-ce pas? Et pour ça, aujourd'hui, eh bien, je vous propose de nous rendre un petit peu plutôt dans les coulisses, de nos épreuves favorites. Alors certes, celui que nous recevons aujourd'hui est sportif, et malgré son grand âge, hein, comme vous pouvez le voir, il est plutôt bien conservé. Certes, il a arpenté pas mal d'épreuves que l'on connaît tous, le marathon des sables en tête, par exemple, mais il a plutôt l'habitude de tendre son micro et d'interviewer les autres, plutôt que de participer lui-même et d'être interviewé. Nous avons dormi de nombreuses nuits sous tente, tous les deux, avec cet homme. Nous avons parcouru les mêmes pistes, désensablé les mêmes véhicules et essuyé les mêmes tempêtes de sable. Voici donc Philippe Fournier. Philippe, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Manu, ça va bien? Alors je précise, hein, effectivement, on a dormi ensemble dans la même tente, mais il y avait d'autres personnes, on n'était pas que tous les deux. C'est ça, tout à fait. Nous étions nombreux. Ouais, peu de Dis-moi, souvenirs. pour ceux qui ne te connaissent pas trop, il y a sans doute un petit peu de monde qui nous regardera, qui ne te connaît pas trop. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, alors voilà, moi c'est Philippe Fournier, j'ai 55 ans, j'exerce le métier de journaliste depuis 1994, je crois, donc ça commence à faire un petit peu, 93 même, 1993. Mon truc, c'était vraiment d'intégrer le monde de l'aventure. Alors, ça a pris un peu de temps, mais au final, à force d'emprunter différentes pistes, eh bien, l'objectif a été atteint. Donc voilà, comme tu l'as dit, j'ai eu l'occasion de couvrir notamment le marathon des sables. Je crois que c'est vraiment l'épreuve, mon épreuve fétiche, mon épreuve de cœur, ça c'est clair. Mais j'ai aussi eu l'occasion de couvrir le Dakar, le Gazelle-N'Men, le Babel Raid, Africa et Corée, ça. l'Africa Écoresse, j'allais y venir, voilà. Et là, c'était. Donc, en fait, métier de journaliste, au départ, c'est la radio. Ça aussi, c'est mon média de cœur. Alors justement, en t'écoutant, là, le début de cette vidéo, il est probable que les gens se disent, tiens, j'ai peut-être déjà entendu cette voix quelque part. Et en effet, il est possible que dans les régions les plus reculées de France, on entende ta voix lors de Flash Info, par exemple. Oui, parce que ça, c'est aussi une partie de mon activité. Effectivement, je réalise des flash infos qui sont diffusées sur différentes radios. Donc, c'est des radios locales ou régionales. Hein. C'est pas Europe 1 ou RTL ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça fait depuis 17 ans, je crois, que je travaille pour cette agence de presse où on réalise donc des flash infos qu'on met à disposition des stations locales qui n'ont pas de journalistes ou en complément de leur rédaction. Voilà, mais avant, j'ai exercé pendant 13 ans pour le groupe Énergie. Donc c'était Énergie, Chérie FM, Nostalgie, voilà, pendant 13 ans, avant de prendre une autre voie où j'avais un peu de besoin de liberté, en fait. Et je crois que cette liberté-là, je l'ai un peu trouvée ici, effectivement. Et après, voilà, la vie réserve plein de surprises. Alors on voit effectivement, hein, tu parlais d'aventure il y a une minute, tout autour de toi, il y a tout un environnement qui nous rappelle un petit peu l'aventure. Tu peux nous en dire deux mots? Ouais, bah voilà, derrière c'est le crabe aux pinces d'or. Voilà, ça reflète Tintin, ses aventures. Et je crois que c'est ça qui m'a amené à ça, en fait. J'étais un petit garçon assez solitaire. Voilà, j'ai été, on va dire, fils unique pendant 12 ans jusqu'à l'arrivée de mon petit frère. Donc pendant 12 ans, j'étais le seul petit gamin de la maison. Et en fait, mes refuges, c'était la lecture. Et les lectures d'aventure. Donc ça a commencé par les Tintins dès l'âge de 6-7 ans. Donc je crois que ça m'a vraiment, vraiment marqué au fer rouge, en fait. Ces aventures, ce petit gars qui partait au bout du monde et qui lui arrivait plein de choses. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Et ensuite, ça a été d'autres lectures comme les Jack London, les Jules Verne et autres qui m'ont vraiment amené à ça. Je crois que voilà, c'était vraiment une soif de découverte, mais de vivre voilà ces moments intenses avec plein de personnes différentes, de rencontrer du monde, de rencontrer des cultures différentes, et voilà de sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a amené à faire ce métier-là. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, moi je suis rentré dans une école de journalisme classique. Ça a été la radio qui s'est proposée à moi. Et voilà, ça a été vraiment une rencontre. Je suis vraiment tombé amoureux de ce média-là. Mais au fond de moi, c'était vraiment de couvrir ce genre d'événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le Dakar, l'Africa ou le Marathon des Sables. Mais c'était particulièrement difficile parce que les pistes pour y arriver, bah, sont pas nombreuses. Contrairement, j'avais pas mal de copains qui voulaient entrer dans le monde du football. Bah, faire commentateur de foot, même si les places sont chères, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de médias qui font ce genre de contenu. Tandis que le milieu de l'aventure, bah, c'était mis à part à l'époque, il n'y en avait qu'un qui le faisait, c'était Nicolas Hulot. Mais Nicolas Hulot, il avait carrément son pré carré et clairement, on rentrait pas trop. Bon, après, moi, j'avais réussi à y rentrer. Voilà, par différentes connaissances, et on m'avait proposé à l'époque de faire des commentaires de voix. Donc, là, typa que je me retrouve à faire un commentaire sur l'Irian Jaya, donc sur les Papous. Donc à l'époque, on reçoit des VHS. Donc, sur ces VHS, il fallait faire les traductions. Donc, tu connais mon niveau d'anglais, donc ça a été compliqué. Donc, j'ai fait appel à des copains qui m'ont fait la traduction, et après, j'ai posé ma voix. Donc, l'expérience est concluante. Donc à 24 ou 25 ans, ça y est, je me suis cru arrivé, je me suis dit c'est génial, ça y est, je suis au sein des saints. Et ben non, parce que en fait, voilà, moi je suis rentré peut-être en février, quelque chose comme ça, pour ce commentaire de voix chez Ushuaïa, et arrivé au mois de juin, ils changent de formule, c'est plus Ushuaïa classique, ils passent sur Ushuaïa nature, ils n'achètent plus en fait de documentaires à l'étranger. Que ce soit les docs de la BBC ou chez les Américains. Et du coup, ils n'ont plus besoin de commentaires de voix. Donc, ils ne gardent que le commentateur historique et tous les autres, ils sont virés, dont moi le premier, puisque j'étais le dernier rentré et j'ai été le premier sorti. Mais moi, ça a été un peu ça ma vie, hein. Voilà. Le Dakar, pareil, on me propose de couvrir le Dakar pendant 5 ans. Au final, je le fais une fois, je me dis, bon, ok, c'était pas mal et tout, mais l'année prochaine, je ferai beaucoup mieux. Bah, il n'y a pas eu d'année d'après, parce qu'en final, la radio pour laquelle je travaillais se sont rendu compte que c'était pas du tout le public. Le public n'était pas du tout féru de ce genre de choses. Donc l'aventure qui devait durer 5 ans n'a duré qu'une seule édition. Voilà. Donc quand je dis que la. Voilà. Quand je pensais que la porte était ouverte, elle se refermait quasiment rapidement. Mais celui qui m'a vraiment donné ma chance, c'est Patrick Bauer. On va y revenir. Tu as évoqué le fait que tu étais amoureux de ce média, de la radio. Est-ce que tu pourrais définir un peu mieux ça? Pourquoi? Alors, pareil, ça remonte à l'enfance en fait, c'est ça qui est rigolo. Et je pense que la vie d'un homme, c'est vraiment lié à son enfance. Moi, ça a été sur plein de choses déterminantes. Je parlais de Tintin, mais l'autre facteur déterminant pour embrasser ce métier, ça a été, je raconte un peu ma vie, hein, mais voilà, ma grand-mère, on habitait, moi je vivais en région parisienne, dans le Val-de-Marne, donc on est à 20 km de Paris. Paris, un petit coup de train, et on y était en 20 minutes, une demi-heure. Et en fait, ma grand-mère me dit un mercredi, tiens, est-ce que ça te plairait mercredi prochain qu'on parte, que je t'emmène voir une émission de radio, ça s'appelle RTL Parade, et voilà, c'était avec Drucker. Est-ce que ça te plairait d'aller voir ça? Et je dis, bah, bien sûr, donc on va voir ça. Et en fait, je rentre à RTL, j'arrive dans ce studio, manque de chance, ce n'est pas, on va dire. Le dinosaure Michel Drucker qui était présent parce qu'il était malade ce jour-là, mais c'était André Torrent. C'était aussi un grand animateur d'RTL à l'époque, dans les années 70, début 80. Et à partir de là, quand je suis sorti de là, je me revois descendre ces escaliers d'RTL parce que les studios sont en haut, il y a un grand escalier un petit peu en colimaçon comme ça là, qui descend. Et je dis à ma grand-mère, je sais ce que je veux faire, je ferai de la radio un jour. Et en fait, cette idée-là, bah, ça a toujours été dans un petit coin de ma tête. Malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais moi, je n'étais pas du tout du sérail. Mes parents n'étaient pas du tout du milieu. J'avais qu'une petite cousine, effectivement, qui travaillait à France Inter, qui faisait la météo à France Inter. Donc voilà, et heureusement qu'un jour elle était là parce qu'elle m'a aussi mis le pied à l'étrier. Et voilà, donc ça m'a jamais quitté. Mais bon, après, sincèrement, n'étant pas un élève particulièrement studieux, mais plutôt un gamin particulièrement rêveur, il n'y avait que deux matières qui m'intéressaient. C'était le sport et l'histoire géo. Voilà, tout le reste ne m'intéressait pas. Et en fait, à l'école, j'étais plus en train de regarder par la fenêtre ce qui se passait que de regarder le tableau noir. Et en fait, ça a été relativement compliqué. Après, voilà, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont écouté. Voilà, parce qu'un jour, à l'issue de ma fac de droit, de mes autres 2 ans de droit, il n'y avait pas tellement de possibilités qui se profilaient. C'était soit je faisais, on va dire, flic, inspecteur. Mais moi, je me voyais inspecteur comme Mel Gibson, comme Belmondo, avec le flingue dans la ceinture, et voilà, courir après les méchants. Voilà, encore un peu d'aventure. Et en fait, voilà, avec des copains, on dit, bon, on va passer le concours de flic et tout. Hein. Et là, plus ça allait, plus ça se rapprochait, plus je me disais non, non, c'est pas ça que je veux faire. Et coup de chance, en fait, je passe un jour près d'un kiosque à journaux, j'achète l'étudiant. Et à la fin du magazine L'étudiant, il y a une pub pour une école qui forme à tous les métiers de la radio. Et à partir de là, je prends contact avec cette école-là, je passe les entretiens. Premier entretien dure 3 heures. À l'issue de cet entretien, le directeur me dit, écoute, c'est. T'as les aptitudes, mais j'aimerais te voir avec soit ta mère, soit ton père pour voir comment tu te comportes avec une autorité. Et en fait, le second entretien, moi je pensais y aller avec maman. Bah non, ça a été avec papa. Donc avec papa, c'est un peu plus compliqué qu'avec maman. Et en fait, voilà, l'entretien a duré 6 heures. Et au final, à l'issue de cet entretien, je suis pris dans cette école. Et mon père, à l'issue de cet entretien, je monte dans la voiture, il me regarde, il me dit, je te préviens, on va t'aider. Mais t'as pas intérêt à nous décevoir. Et je crois que cette phrase m'a résonné pendant pas mal de temps, pendant tous les cas, pendant toute l'année de l'école. Et à l'issue de cette école, voilà, j'ai eu la chance de sortir parmi, on va dire, les premiers qui sont partis en stage. Et de ce stage, ça a débouché après, voilà, sur la suite, quoi. C'est un peu de chance, mais je pense que voilà, quand et c'est parce qu'après voilà, j'ai été prof aussi dans une école de journalisme ici à Nice, parce que maintenant je vis à Nice. Et ce que je dis à mes élèves, c'est si vous avez un rêve, il faut jamais le lâcher, quoi. Parce que on a une petite voix qui, voilà, on a une petite voix qui, celle qui doit nous guider. Et je pense que bah, les rêves, c'est vachement important. Et quand on les réalise, on est super heureux, en fait. Moi, je regrette rien, rien de ce que j'ai fait, quoi. Ouais, ton parcours effectivement est assez atypique et en même temps exemplaire dans le sens où on peut transformer ses rêves d'enfant, en quelque chose d'assez réel, d'assez tangible. En parallèle de cette carrière de journaliste radio, et pas que, on va voir aussi que tu as fait d'autres choses intéressantes. Tu es ça se voit un petit peu, un sportif devant l'éternel. Le sport, ça transpire en toi. Comment tu te définirais en tant que sportif? Qu'est-ce que c'est le sport pour toi? Le sport, en fait, ça fait partie de ma vie, en fait. C'est comme si, enfin, c'est pour moi, c'est la même chose que de me nourrir, que de boire de l'eau ou quoi que ce soit. C'est un véritable besoin. J'ai besoin de faire du sport. Après, voilà, attention, hein, je fais pas du sport à haut niveau, voilà, mais je fais du sport à mon niveau. Et en fait, je fais aussi du sport pour me faire plaisir. Voilà, c'est pour un bien-être. C'est aussi pour il ne faut pas se leurrer, hein. C'est aussi pour garder la forme, une certaine forme également. C'est pas, pour ne pas avoir les formes, je préfère garder la forme. Et voilà, j'ai une femme qui est un peu plus jeune que moi, elle a 6 ans de moins. J'ai 3 enfants, dont encore une petite qui a 8 ans. Et bah, papa, il doit être en forme pour l'emmener, par exemple, faire du roller, pour l'emmener jouer sur la plage, pour aller nager avec elle. Voilà, donc il faut que je sois alerte. Mais c'est vraiment un concept de vie, en fait. J'en ai toujours fait. J'en ai toujours fait, donc je pense que c'est dans mon ADN. C'est une discipline, mais dans un sens un peu vertueux plutôt. Ouais, c'est une discipline, mais je peux pas dire que enfin, c'est pas une contrainte, en fait. Pour moi, une discipline, c'est une contrainte, en fait. Voilà, il faut faire ça parce que t'es obligé. Je suis pas obligé d'en faire, mais en fait, j'en ai besoin. Il y en a qui fument, moi j'ai besoin d'aller faire du vélo, de faire des pompes, d'aller faire de la gym. En plus, maintenant, moi, comme je disais, j'ai 3 enfants, dont un fils qui est coach sportif et qui est responsable de salle. Donc forcément, à un moment donné, il me dit « Papa, il faut venir à la salle ». J'ai été relativement réfractaire. Parce que c'est pas forcément mon truc. Je préfère faire du sport en pleine nature, surtout ici dans la région, il y a quand même quoi faire. Mais j'avoue que ça fait pas mal. Ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Puis en plus, voilà, ça permet de partager quelque chose avec son gamin. Donc c'est voilà. Puis chez nous, la famille, c'est super important. Donc tu disais, je ne dévoile rien, tu l'as dit tout à l'heure que tu avais 55 ans. Ouais. Est-ce que le Philippe sportif à 25 ans, il est différent de celui d'aujourd'hui 30 ans après? Est-ce que ta pratique a évolué pendant ce laps de temps? En fait, c'est rigolo, mais je reviens toujours au rêve, en fait. Voilà, Moi, j'ai pareil, j'ai jamais rêvé de football. Moi, j'ai rêvé de mecs qui couraient dans le désert. Voilà. Mais c'est rigolo, hein, mais c'est toujours. Mais parce que c'est lié à l'aventure. Moi, ce qui m'a fait rêver, c'est les gars qui faisaient le raid gauloise. Voilà. Pour moi, le sport est lié à l'aventure. Voilà. Je veux pas dénigrer ceux qui jouent au foot, hein, loin de là, mais c'est pas mon truc. Voilà. Courir après un ballon, ça ne m'intéresse pas. Voilà, courir pour atteindre un but, pour atteindre, arriver à atteindre une étape, à voir des paysages, à partager des moments intenses avec un binôme ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, c'est ce que je recherche dans le sport, en fait. Et ce qui est rigolo, par exemple, quand je prends mon vélo, même si c'est pour aller faire 10 km autour de chez moi, mais je pars comme si j'allais à l'aventure. Ouais, c'est une aventure. Voilà. Parce que voilà, parce que je vais découvrir un nouveau chemin, parce que voilà, voilà. Et puis en fait, alors ce qui est rigolo aussi, c'est que quand je fais du sport, j'ai toujours l'impression de faire les Jeux Olympiques. Je fais du sport pour la perf en fait. Alors que je suis pas performeur, hein, voilà, j'ai jamais performé quoi que ce soit. Mais dans mon état d'esprit, je pars pour la gagne. Tu regardes toujours ton chrono, tu regardes toujours le poids que tu soulèves, etc. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai eu l'occasion de faire une course dans le désert il y a quelques années. Mais j'étais tellement. Alors tout le monde me disait, ouais, tu vas voir, tu vas faire de l'introspection, tu vas revenir, tu vas changer, tu vas être changé. Que dalle. Moi, j'étais bloqué sur mon chrono. J'ai quasiment pas vu les. Enfin, je vais pas dire que j'ai pas vu les paysages. Mais voilà, il fallait que j'arrive à atteindre l'arrivée dans ce temps imparti. Et j'étais focus là-dessus, quoi. Mais c'était une expérience géniale, ça. C'était Donc, rigolo. t'es pas ce genre de coureur introspectif qui va découvrir toute la vacuité de l'existence humaine et l'existence Non, de. mais en fait, parce que je crois que je pense que je suis pas assez cérébral pour ça, en fait. Voilà, moi, je pense que je suis dans l'instant T. Voilà, je suis. Voilà, il faut pas me parler de yoga, de méditation, tout ça. Ça me parle pas, en fait. C'est peut-être dommage, hein, j'en aurais peut-être besoin. En fait, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'action et dans le chrono. Parce qu'aussi, je suis un métier où je suis timé. Je suis un métier où il faut que je fasse des flashs de 2 minutes 0-0, il faut que je fasse des journaux de 4 minutes 0-0. Quand je fais des prestats en télé, bah pareil, il faut que les lancements, ça dure 30 à 35 secondes. Donc en fait, ma femme, elle me dit, en fait, voilà, toi, en clair, tu es un chrono ambulant. Et même le week-end, hein, il faut se presser. Hein. C'est en gros, tiens, on a ça à faire, pop, pop, pop, allez, tout le monde est prêt, on y va. Hein. Voilà, je suis timé, en fait. Et en fait, ça se ressent également dans la pratique sportive. Oui, bien sûr. Et tu as donc participé à une course effectivement dans Ouais. le désert Ouais. qui s'appelle le Race La Red Desert. Desert Marathon. Exactement. Donc c'était quand même un petit peu long et par étapes. Ouais, c'était 3 étapes, c'était 120 km, c'était 40 km à peu près par jour, en gros. Hein. Ouais, je pense qu'ils n'étaient pas très regardants sur le nombre de kilométrages, donc c'était soit un peu plus chaque jour, un jour, et peut-être un peu moins le second, mais c'était une expérience d'enfer. J'ai partagé ça avec celui que j'appelle mon frérot, parce que c'est vraiment mon frérot. Voilà. Mais moi, alors j'ai pas eu de bol parce que moi, je me suis blessé. Alors je savais, hein, que j'avais une petite tendinite au tendon d'Achille qui était par ici, par là. Mais bon, je me disais, ça va tenir. Sauf que premier jour, première étape, au bout de 10 km, même pas, la tendinite s'est réveillée. Donc là, plus question de courir. Donc bah, j'ai fait tout le parcours en marchant. Mais enfin, je pense que j'ai marché relativement bien. Voilà. Mais c'était une expérience fabuleuse. Et en plus, alors ce qui était. Je pense que c'était une course relativement intimiste. On n'était vraiment pas nombreux. Je crois qu'on était une trentaine au départ. Mais en fait, ça m'a permis de voir un peu ce qu'avaient vécu les pionniers, en fait, du Marathon des Sables. Parce que moi, je me suis retrouvé pendant des heures, mais seul au milieu de nulle part. Bon, alors après, il faudra, voilà, au niveau de la sécurité, c'était pas ça. On n'avait pas de balises, rien. Il y avait qu'un véhicule qui remontait la colonne, mais la colonne a s'étiré sur je sais pas combien de bornes. Donc, mais c'est après, hein, je me suis dit, en fait, tu te fais piquer par un truc, il t'arrive une crise cardiaque, enfin un pépin, t'es mort. En fait, t'es mort. Mais voilà, c'était génial. Moi, je me suis éclaté. Je me suis paumé et tout. C'était chouette. Ouais. Un bon souvenir. Mais en fait, moi, j'ai fait ça pour pouvoir faire après le marathon des sables. Et en fait, entre les deux, Je me suis sur un entraînement avec un de mes copains qui, lui, se préparait vraiment à faire le marathon des sables et tout et tout. Et en fait, je me suis blessé. Et en fait, là, je me suis fait une hernie discale. Et à partir de là, avec l'hernie discale, et c'est plus la même danse. Donc à partir de là, mes rêves de marathon des sables se sont un peu volatilisés. Donc voilà. Mais je crois que ce qui me faisait très peur quand même sur le marathon des sables, c'était le 90. Donc je pense que néanmoins, l'hernie discale m'a bien aidé pour, voilà, pour me défiler un petit peu. Je l'avoue, hein. Je l'avoue, hein. Et néanmoins, cette hernie, alors on s'en défait jamais vraiment, hein, C'est fini. même avec les opérations, ouais, elle te gêne Non, absolument pas, c'est non? fini. Et en plus, alors en fait, c'est pour ça aussi que je continue. Je pense que c'est lié à la salle. Mon fils m'a fait faire plein d'exercices, plein de trucs, et au final, le fait de s'être musclé, ça aide. Et j'ai plus mal du tout, quoi. Donc voilà. Mais je n'irai de toute façon pas refaire le marathon des sables. Ce n'est plus Patrick Bauer, mon mentor, qui est à la tête de cette fabuleuse épreuve, qui n'est plus si fabuleuse que ça d'ailleurs. Enfin pour nous, hein, pour ceux qui l'ont connu, hein. On a pas mal parlé de toi là, lors de ces 25 premières minutes, de ton activité, de ton métier, de ta pratique sportive. Écoute, on va passer un petit peu sur ce qui te tient à cœur le plus, le suivi des épreuves en milieu hostile, ces aventures, et le désert en particulier, ce que tu connais le mieux. Donc, tu es tombé là-dedans il y a bien longtemps, en fait, super tôt dans ta carrière. Ouais, 97, le premier. Je crois que c'était 97 ou 98. C'était le 13e marathon des sables. En fait, le coup de bol, c'est que en radio, là, je travaille pour Énergie. Donc, Énergie, on est 10 premiers journalistes qui sont pris sur le réseau. Et en fait, ils font le test pour voir si, en fait, l'info sur Énergie peut marcher. Et en fait, on est 10 gars à être pris sur le réseau pour un test de 6 mois. Soit ça marche, soit ça marche pas. Moi, on me propose en premier lieu d'aller bosser à Caen, parce que j'avais déjà bossé en Normandie, donc voilà, enfin, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, c'est pas ce qui me plaisait le plus, mais enfin bon. Et en fait, à 23h, on me rappelle, on me dit non, c'est plus Caen, c'est Troyes. Bon, bah ok, que ça soit. Ok, très bien. Bah, Troyes, ça arrangeait mon épouse, c'était pas trop loin de chez ses parents, donc ok, on part à Troyes. Et en fait, à peine arrivé là-bas, j'apprends que l'organisation du Marathon des Sables est à Troyes. Donc je crois que, vraiment, hein, l'une de mes premières rencontres, je crois que ça a été d'aller taper à la porte de Monsieur Patrick Bauer et pour aller faire mes premières interviews. Et après, je crois que je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Et voilà. Et en fait, je ne l'ai tellement pas lâché qu'il m'a donné la possibilité d'intégrer son service de presse. Donc à l'époque, donc là, j'étais pas journaliste, j'étais de l'autre côté. Donc voilà, c'était bien, mais j'étais un peu frustré. Voilà, mais c'était bien. Voilà. Et voilà, Là, effectivement, c'était le déclencheur. pour mettre un petit peu en contexte, le journaliste est en général accrédité sur une épreuve et puis il est indépendant par rapport aux interviews qu'il va faire, à ce qu'il veut raconter de l'épreuve, etc. Alors que quand tu es dans le service de presse de l'épreuve, eh bien, tu es là Au service de. pour travailler la communication de l'épreuve en Ouais, question. Et évidemment que tu ne vas pas avoir les mêmes angles de C'est ça, et travail. puis était au service des journalistes, quoi. Tout à fait. Bon, moi, voilà, sur cette année, enfin, sur cette épreuve-là, je crois que j'étais cantonné à la photocopieuse, quoi. Donc, Ok. voilà, non, mais pour schématiser, donc c'est vrai qu'il y avait un côté, moi qui. Mais ça a été, voilà, ça a été le déclencheur. Et puis la rencontre avec lui. C'est la première fois que tu allais dans le désert ou tu y étais déjà allé dans un Non, autre cadre? c'était la première fois. C'était la première fois, c'était une véritable découverte, pareil, et c'était l'aventure, parce Et que. tu suivais déjà à l'époque donc le Dakar depuis le début? Ouais, bien sûr. Enfin, à la télé, je veux dire, oui, à Bien la sûr, télé bien alors. sûr. Le Dakar, voilà, 79-80. En plus, voilà, je disais que j'habitais en région parisienne, toujours avec mamie. Mamie m'amenait voir voilà, le départ du Dakar. Et enfin, le parc fermé, là où il y avait tous les véhicules. Il y a un jour, alors il faut savoir ça aussi, autre anecdote, par rapport au Dakar. Donc le Dakar partait en général toujours le réveillon, enfin le 1er janvier. Et en fait, repas du réveillon avec toute la famille et tout. Et j'ai deux oncles avec qui je suis très proche parce qu'on a que même pas, on doit avoir 13 ans ou 15 ans de différence. Et donc moi, j'étais le gamin quoi, de la bande. Et je les tannais pour qu'ils m'emmènent sur le départ du Dakar. Et la tipa, voilà, je ne sais plus quelle année, mais enfin bon, ils disent, allez, ok, tu nous tannes tellement bien, allez, On prend la voiture et on y va. Et voilà. Et on se retrouve donc sur le départ du Dakar. Et là, je me souviens que je leur dis, mais vous savez quoi? Un jour, moi, j'y serai. Là, ils me disent, mais oui, Titi, t'as raison. Voilà. Et voilà. Et de toute façon, un jour, j'y étais. Alors, donc 97 ou 18, tu es sur ce premier marathon des sables et tu côtoies pendant une dizaine de jours Patrick Bauer, donc le créateur de l'épreuve. Qu'est-ce qui t'impressionne, ce monsieur? Mais il m'impressionne de. Enfin voilà, je me souviendrai toujours, même la première fois où il est venu dans le studio d'énergie à Troyes, je l'ai vu débarquer, mais c'était. Pour moi, voilà, c'était l'image parfaite de l'aventurier. C'était. Voilà, teint allé. Voilà, c'était tout allait, quoi. C'était vraiment l'image que je me faisais de l'aventurier. Voilà, c'était. Il faut se remémorer. C'était la grande époque, quoi. C'était la grande époque. Enfin, pas Thierry Sabine, mais bon, parce que Thierry Sabine est décédé en 87. Mais voilà, on avait quand même tous cette image-là de l'aventurier mal rasé, teint râlé, chemise de baroudeur et tout. Et moi, quand je l'ai vu, mais je crois que. Voilà, et je l'ai toujours dit, si j'avais été une fille, je serais tombée amoureuse de lui, quoi. Voilà, et je crois que sincèrement, ouais, je crois que moi, ça a été de toute façon mon mentor. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est d'une gentillesse, mais il est tourné vers les autres, mais c'est extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un qui est autant dans l'empathie. Et voilà, et j'ai eu la chance après de me retrouver encore dans son équipe. Quelques années plus tard, la vie a fait qu'il m'a rappelé parce qu'il a eu besoin, il avait besoin de faire de la communication au niveau des radios et il m'a rappelé, mais il m'a rappelé peut-être 10 ans suite à la première, ouais, même plus, même après la première épreuve. Mais ça a été extraordinaire de rejoindre cette famille parce que c'était une vraie famille. Le Marathon des Sables, ça a été une vraie famille. C'était vraiment une bande de potes qui se retrouvaient au fin fond du désert. On travaillait tous, mais c'était extraordinaire. Enfin, tu peux pas dire le contraire, on y était. Donc. Voilà. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'ai jamais revu ailleurs. Voilà. Mais aussi, c'est parce que l'épreuve veut ça. C'est que cette épreuve voulait ça. C'était que j'adore voilà, les sports mécaniques, que ce soit le Dakar, l'Africa ou quoi que ce soit. Mais il y a un paramètre. Dans le marathon des sables de l'époque, c'était que qu'on soit ouvrier, chômeur, chef d'entreprise, on était tous au même niveau. Une fois qu'ils se retrouvaient sous la tente, qu'ils avaient enlevé leur tenue civile, on va dire, et qu'ils se retrouvaient en tenue de course pour aller affronter ce désert, tout le monde était égaux. Et en fait, il n'y avait plus d'histoire de notion de fric ou quoi que ce soit. C'était vraiment l'homme à l'état pur. Et je crois que ça, voilà, ça, on ne le retrouve pas. Je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Voilà. Oui, et puis il y a ce côté, ça dure une dizaine de jours, enfin 8 jours à peu près dans le désert. Les conditions peuvent être rudes, hein, avec des tempêtes, avec des chaleurs vraiment terribles, harassantes. Tout le monde, alors côté participant, est à pied. On n'a pas de véhicule, on n'a rien. On porte sur son dos la nourriture pour une semaine. Son confort aussi, le sac de couchage, le matelas si on en veut un, etc. Donc c'est vrai que côté participant, il y a vraiment quelque chose de difficile. Et côté staff, malgré tout, on n'est pas non plus logé dans des hôtels 4 Ouais, mais étoiles et il y a une alors, certaine rudesse sur les autres également. épreuves non plus. Hein. Le staff, on est voilà. Que, par exemple, je prends l'exemple du Dakar ou sur l'Africa, c'est à la route, ça. Donc c'est vraiment à la route. Voilà, c'est peut-être encore plus à la route que sur le marathon des sables. Et en plus, les étapes sont longues parce que sur les transitions du marathon des sables. Quand on prenait nous les véhicules pour allier le point A au point B, c'était relativement court. Voilà. Sur l'Africa, c'est des étapes qui font entre 4 et 600 km par jour. Donc la voiture, on en mange. Hein. Mais voilà, c'est autre chose. C'est différent. C'est différent. Et je crois aussi que voilà, j'en reviens toujours au même. Ça a été le marathon des sables, c'était Patrick. Voilà. Ça a été l'essence même. Enfin, je vois que, rappelle-toi, quand il était à chaque PC, qui venait saluer les joueurs, enfin les joueurs, les participants, ouais. Les participants, il avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Enfin, Il était extraordinaire. Et je suis, de toute façon, ceux qui y retournaient, c'était une grande part pour l'aventure, mais c'était aussi une grande part pour Patrick. Et tout le staff qu'on était, on y allait aussi pour lui, hein. Avant tout pour lui. Tout à fait. Tu en as vécu 6 ou 7, c'est ça, des marathons des sables? 7? Ouais. Pas mal, donc avec un grand écart, hein, puisqu'il y a une assez longue période entre deux pendant laquelle tu n'es pas venu. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers du désert, d'endroits en particulier, ou de rencontres peut-être avec Ouais. des nomades, Bah des... après, c'est voilà, c'est 97 ou 98, voilà, quand je me suis perdu. Ouais. Je me suis perdu. On était deux, trois véhicules. Donc là, moi, j'étais avec un photographe à l'époque, photographe de l'Orga. On partageait le même véhicule. Et c'est nous, là, à l'époque, on conduisait. Et à un moment donné, je sais pas quoi, il doit me laisser le volant. Et en fait, on passe à un oued. Et en fait, bah moi, l'oued, je le passe pas. La voiture, elle reste tankée. Donc là, lui, il est vraiment embêté parce qu'il faut qu'il continue de faire ses photos. Donc je lui dis, bah écoute, c'est pas grave. Prends l'autre véhicule. Vas-y, prends celui. Moi, j'attends. Je vais donner la position. Et puis, ils vont venir me rechercher, quoi. Sauf que, bleu comme j'étais, j'ai pas donné. À l'époque, on n'avait pas le GPS. Donc, j'ai pas donné la bonne position sur la carte. Donc en fait, quand ils ont commencé à vouloir me chercher, ils ne me trouvaient pas. Donc à la radio, ils me disent, mais on ne trouve pas, on ne voit pas où t'es. Donc là, ça commençait un peu à durer quand même, hein, parce que là, ça ne se passe pas en minutes, ça se passe en quelques heures. Donc la solution, ils me disent, écoute, il faut qu'on arrive à te repérer, donc il faut que tu nous donnes un signal. Donc je prends dans le coffre mon sac, j'ouvre mon sac, je prends une Polaire rouge et j'arrive à monter sur la plus haute dune qui était voilà, à proximité, et j'ai fait des grands signes, mais les voitures, je les voyais, c'était comme des Liquintoy ou des Majorettes, hein, c'était des toutes petites bagnoles. Et à un moment donné, j'ai vu une voiture, voilà, qui arrivait vers moi, et puis voilà, et puis quand ils sont arrivés en 10 minutes, ça y est, j'étais sorti de l'ouette. Ouais, ça a été un super souvenir. Et puis après, il y a des rencontres aussi sur le marathon des sables, ou que ce soit quand je suis sur l'Africa, en Mauritanie ou quoi que ce soit, avec ces populations. Il y a toujours des rencontres avec des gamins, avec les commerçants. Par exemple, une anecdote terrible. L'année passée, je suis sur l'Africa et on arrive à Merzouga parce que notre pilote doit s'arrêter au garage, il doit passer le bonjour à un garage qui est bien connu là-bas. Et en fait, moi, en face du garage, il y a une petite boutique qui vend des babioles, quoi. Puis moi, j'aime bien les babioles. Donc, je me dirige vers cette petite boutique et là, le commerçant me dit, je te connais, toi. Ah bon? Il dit, ouais, je te connais. Je dis, moi, je te connais pas. Il me dit, mais si, toi, t'étais sur le marathon des sables. Je dis, oui. Il me dit, mais moi, tu te rappelles, j'étais l'un des commerçants qui était sous la tente avec un tel et un tel, et il me donne les noms de son frère ou de son cousin. Et effectivement, après, là, je l'ai remis, et oui, parce que sur le marathon des sables, sur la première étape, sur le premier bivouac, effectivement, il y avait des commerçants qui s'installaient sous leur tente et qui nous vendaient des bracelets, les théières, les chèches ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'allais souvent discuter avec eux lorsqu'ils étaient là. Et il m'a reconnu. Et là, je me suis dit, waouh! Voilà, il y a des trucs, y a des trucs tout. Ouais, c'est dingue, quoi. C'est rigolo. Et puis voilà, les rencontres avec les gamins. Voilà, voilà, ça aussi, c'est. Parce que les nôtres, s'ils n'ont pas la PlayStation ou quoi que ce soit, ils se demandent comment ils vont vivre. Mais eux, ils n'ont pas de PlayStation. Et je pense voilà, ils vivent tout aussi bien. Enfin, en tous les cas, ils vivent différemment. Mais j'ai pas vu d'enfants malheureux, en fait. Ça aussi, même au fin fond du désert. Pareil, sur l'Africa, parce que l'Africa, c'est 6 000 km, hein, on fait beaucoup, beaucoup de kilomètres. J'ai eu la chance d'aller à Shingeti. Shingeti, c'est l'une des villes saintes de l'islam. C'est une ville qui est envahie par le désert. Donc, avec l'aide de l'UNESCO ou quoi que ce soit, ils ont réussi à désensabler cette ville et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais là, j'ai eu l'impression que j'étais plus Tintin, mais j'étais Indiana Jones. Voilà, je me suis retrouvé dans un décor de cinéma. Pareil, on est arrivé à proximité d'une oasis. Et là, c'était. En Mauritanie, ça vit dans des huttes rondes. Voilà, ça fait des dômes. Et là, c'était magnifique et j'avais l'impression qu'il y avait des guerriers Maasai qui allaient sortir avec leurs boucliers et qu'on était en plein, soit dans Indiana Jones ou le retour de la momie. C'était un décor de cinéma. Voilà. Et ça, oui, c'est des trucs qui marquent, quoi. Voilà. Puis après, il y a toutes les soirées qu'on a pu faire, Marathon des Sables sous la tente, à se raconter nos vies. Voilà. Ça aussi, c'est des super souvenirs, quoi. Et dans les souvenirs marquants, j'imagine qu'il peut y avoir aussi des interviews, puisque tu en as réalisé, je ne sais pas, des centaines, j'imagine. Et il doit y en avoir quelques-unes qui te restent peut-être davantage en mémoire que d'autres. Ouais, bah après, c'est ces témoignages sur le marathon des sables où c'est des gens lambda qui se révèlent et qui nous racontent leur vie, pourquoi ils sont là. Je me souviens, voilà, qu'on était ensemble, qu'on faisait cette émission pour les réseaux sociaux où on interviewait cette jeune femme qui était atteinte d'une maladie, qui était relativement handicapante pour elle et qui était allée jusqu'au bout. C'était, voilà, ou quelqu'un du staff qui s'est mis, qui, voilà, qui était. Empli d'émotions parce que lui, ça faisait plus l'âge de 13 ans qu'il était sur le marathon des sables. Et voilà, et quand je lui pose une question, il a les larmes aux yeux, mais on a tous envie de pleurer, quoi. Voilà, ouais, en fait, de toute façon, à chaque fois, une interview, c'est une rencontre. Et en fait, il faut que la rencontre soit la plus belle possible. Et c'est vrai que sur le marathon des sables, il y en a eu des super belles, quoi. Voilà. Et même sur des personnages qui étaient peut-être pas forcément faciles à aborder. Je sais pas si tu te souviens, mais quand il y a eu Loury, Loury là, c'est quand même un garçon qui est dur, qui est dur, hein, en fait, à percer. Et moi, mon rôle, c'est d'arriver à mettre les gens en confiance. Donc, et en fait, ouais, j'étais relativement content en fait d'avoir un peu percé le mec et qu'il m'accepte et qu'il accepte de répondre à mes questions, quoi. Parce que voilà, il y en a souvent, enfin, il y en a certains, quand ils commencent à être un peu connus ou quoi que ce soit, bon, faut parler au micro, voilà, quand ils sont en plein effort ou quoi que ce soit, ça les gonfle un peu et ils jouent pas forcément le jeu. Donc voilà, après, moi, mon truc, c'est d'arriver à les faire parler, voilà, toujours sous la confiance, quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi une petite déformation, c'est que les sportifs professionnels, on va dire, ou en tout cas ceux qui sont vraiment dans le haut niveau, l'élite, Ouais, la mais tout le monde plupart, là. ils sont sponsorisés, ils ont des formations en communication, etc. Ils ont tous un storytelling qu'ils déroulent lorsqu'on les interviewe. Et ce que j'aime moi particulièrement, et c'est pour ça qu'on est là, on est dans Poirot ici, donc vraiment dans le sportif anonyme lambda qui fait ça pour son plaisir, eh bien on donne la parole à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans le milieu du peloton, voire à la fin. Et souvent, ça déjà, on le fait jamais, personne ne le fait jamais, donner la parole aux anonymes. Et souvent, c'est là qu'il y a des histoires qui sortent du cœur, parce que les gens ne sont pas formatés, ils n'ont pas de discours tout prêt. Et dans des efforts comme ceux-ci, qui sont vraiment durs, eh bien, on se met à nu et il se produit des moments un petit peu hors du temps, formidables. Ouais, en fait, en plus, chacun arrive avec son bagage, quoi. Et dans ce bagage, bah forcément, il y a plein de belles choses. Alors voilà, parce que. Et ce qui est rigolo, c'est ça aussi, c'est que sur ce genre d'épreuve, et par exemple, ça, je le retrouve sur l'Africa chez les motards. Les motards qu'on appelle les malmotos. C'est-à-dire que ce sont des pilotes privés hein, qui partent avec pour seul outil une malle. Où ils ont de quoi réparer l'essentiel en fait de leur moto. Donc ils ont des pièces de rechange ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas d'assistance. C'est-à-dire que eux, ils font l'étape, mais lorsqu'ils arrivent sur l'étape, eh ben, il faut qu'ils se débrouillent pour faire l'entretien de la moto. Et ça, je retrouve un peu chez eux cette vulnérabilité que j'ai pu trouver sur le marathon des sables, chez les participants ou les participantes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est ça aussi, c'est quand on les prend au départ, ils sont tous pleins de certitude, comme quoi ça ne sera qu'une formalité en fait de rejoindre l'arrivée. Et ça, j'en ai vu aussi sur le marathon des sables. Moi, non, mais moi, j'enchaîne les marathons, les machins. Je fais tant au kilo, tatati tatata, le marathon des sables, ça va être facile. Ouais, et puis quand on arrive au quatrième ou cinquième jour, le discours, c'est plus le même. Et voilà, et c'est ce qui faisait la beauté de l'épreuve. Et c'est là, et c'est à ce moment-là, en fait, que les interviews, elles sont les plus chouettes, en fait. Parce qu'ils sont à fleur de peau, parce que leur famille, elle leur manque, parce que l'épreuve, elle est de plus en plus compliquée. Ils sont en plein dans le doute. Et bah, forcément, là, ils se livrent au micro, quoi. Voilà, c'est un peu quand, voilà, quand on est sur ce genre d'épreuve avec un micro, on devient un peu la Mireille Dumas en fait. Tu fais référence à bas les masques, n'est-ce pas? Bah les masques, voilà, bah les baskets là. Non mais c'était chouette. Non mais c'est vrai, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que c'est un beau métier en fait. Et j'insiste, voilà, s'il y a des jeunes qui nous regardent, c'est un super métier. Voilà. Est-ce que tu es aussi passé par des moments difficiles à certains moments lors de ces épreuves ou dans ta carrière plus globalement? Ah oui, comme tout le monde, ouais, je pense. Après, oui, enfin, bah, après, y a un truc qui m'a marqué à vie, ça a été, pour moi, ça a été l'interview avec Simone Veil ou Amma Bashir, quoi. C'était le premier interview, je crois, politique que je faisais. Alors déjà, la politique, c'était vraiment pas mon truc. Voilà, je devais avoir 23 ou 24 ans, et en fait, elle m'a envoyé dans les cordes. Mais bah, voilà, je crois qu'elle m'a dit, jeune homme, avant de poser une question, il faudra peut-être vérifier, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, ça, je crois que c'est un souvenir. Voilà, après, il y a d'autres souvenirs où, enfin, voilà, j'ai croisé un des gars qui a marché sur la Lune, c'est Buzz Aldrin. Voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est un métier extraordinaire, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens, des personnalités que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie. Et voilà, que ce soit des chefs d'État, des sportifs, des chanteurs, voilà. Mais après, moi je pense que, enfin moi je préfère les, au final, enfin c'est pas au final, je sais que c'est ça, je préfère les monsieur, madame comme tout le monde et qui ont des histoires extraordinaires. Parce qu'en plus, j'ai jamais été, alors Buzz Aldrin, ouais, je crois que c'est comme si je rencontrais Christophe Colomb, ça c'est clair. Mais après, un chanteur, un acteur, ça m'a jamais vraiment fait rêver. Voilà, c'est un job comme un autre, ils sont adulés. Et par exemple, ma femme me disait, mais au début, quand j'ai entamé ma carrière, où je faisais quand même à Énergie, on en faisait les chanteurs à la mode. Elle me disait, mais voilà, mais pourquoi tu fais pas un carnet où chacun te met un petit mot? Mais je suis pas là pour ça. Et puis après, ça discrédite complètement mon job, quoi. En fait, non, enfin, je veux dire, je suis pas fan, en fait. Voilà, je suis pas là en tant que fan. Je suis là en tant que journaliste, donc si je commence à leur demander un autographe ou quoi que ce soit. Et pourtant, voilà, par exemple, sur le Dakar en 2002, j'étais avec Hallyday, quoi. Johnny Hallyday, j'aurais très bien pu lui dire, ouais, monsieur Hallyday, vous pouvez me signer un bras. Non, ça se faisait pas, quoi. Puis en plus, j'aimais pas ça, quoi. Et lui, pour en revenir, tiens, lui, c'était une super rencontre aussi, un gars extraordinaire. Un homme, voilà. C'était quand même le Elvis Presley français, et c'était un gars qui était super simple, en fait. Contrairement à d'autres, hein. Qui sont cru arriver et qui sont passés aux oubliettes hein, depuis. Hein. Pas de nom, pas de nom. Non, non, non, pas non. Mais voilà, mais après, voilà, sur le marathon des sables, voilà, des rencontres extraordinaires. Voilà, moi, après, j'ai plein de potes du marathon des sables qui étaient dans le peloton. Parce que ça devient des potes, quoi, à un moment donné. Parce que quand on en fait sept, forcément, on les retrouve chaque année. Voilà. Et ça a été quand même. Un déchirement lorsque, voilà, lorsque pour moi l'épreuve s'est arrêtée. Mais ça a été ma décision de toute façon. Voilà, ça, je me suis. Voilà, je tiens à le dire. On m'a pas mis à la porte et voilà, c'est moi qui ai dit je pars. Parce que mon père d'aventure partait. Voilà, donc il n'y avait pas lieu que je reste là-bas, quoi. Dans ces Et ça, rencontres, tu comprends. marquantes, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, tu n'as pas rencontré ces petites bébêtes qui t'embêtaient un petit peu au réveil le petit matin. Tu avais un petit côté hein, pour tous les trucs qui rampent, Ah ouais, non, mais cric, ça. cric. C'est marrant ça Mais. pour un aventurier, un Non, baroudeur. mais c'est. Non, mais t'as pas les jetons. Non, mais quand je vous voyais, vous, là, n'importe quoi. Il faut savoir que Emmanuel Labarre, les consorts, ils laissaient leur sac de couchage toute la journée ouvert dans la tente. Mais n'importe quoi. Et en plus, le soir, ils arrivaient, ils étaient crevés de leur journée, et ils se mettaient directement dans le sac de couchage. Mais non! C'était un pays, c'est des cons où il y a des bestioles partout. Et voilà, donc moi, c'était pas une phobie, mais je vérifie. Moi, je suis un garçon prudent, donc je vérifiais. Donc c'est vrai que mon sac de couchage était rangé tous les jours, ça c'est clair. Mais voilà, après, bon, après, il y a une année où les vipères de sable, où on en découvrait quasiment tous les jours sur les camps, c'est vrai que c'était pas super rassurant, quoi. Hein? Et puis bon, voilà. Après, quand on va faire notre petit pipi dans le désert en pleine nuit, il vaut mieux avoir une lampe torche puissante pour voir ce qu'il y a à côté. Hein? Eh bien, dis donc, tu as aussi lancé il y a Ouais, 4 quelques ans, années. 4-5 ans, une série de podcasts qui s'appelait Portrait de Baroudeur. Ouais. Combien de personnes à peu près t'as interrogé? Tu peux nous en dire un mot de cette J'en ai fait série? 60, je crois. 60, ouais. Ouais, j'en ai fait 60. Et en fait, l'idée, elle est venue du Covid, en fait. Parce que, avec le Covid, tout s'est arrêté. Moi, je devais partir, je revenais du Gazelle Edmen, je crois. Et je devais. Non, je revenais du Babel Red et je devais partir sur le rallye des gazelles 15 jours après. Et en fait, bah non, tout s'arrête. Parce qu'il y a le Covid qui nous tombe sur la tronche, quoi. Et à partir de là, bah, les rêves d'évasion, il n'y en a plus. Donc en fait, bah, mon métier, c'était de la radio. Mon métier, c'est de faire des interviews. Et en fait, pour allier bah, ce côté voyage et métier, et bah, l'idée m'était venue de faire des portraits, en fait. Alors, podcast, ça te fait un grand nom, mais voilà, je faisais des portraits d'hommes et de femmes qui ont fait de leur vie une aventure. Voilà, c'était un peu le concept. Alors au début, forcément. Voilà, j'ai fait tous ceux que je connaissais, donc Patrick Bauer en tête, et puis après il y en avait d'autres. Mais et après, j'avais élargi le spectre, en fait, parce qu'une fois qu'on a fait les Mike Horn, les Lou Reed et consorts, bah, en fait, voilà, on a fait le tour, on va dire, en 10-15 portraits, ça y est, c'est terminé. Donc après, voilà, j'ai vraiment élargi le truc, et là aussi, il y avait des super histoires, quoi, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens lambda qui plaquent tout pour vivre leur rêve d'évasion, et c'était ouais, c'était des belles rencontres, quoi. C'était des belles rencontres, ça c'était sympa, quoi. J'ai bien aimé. Il y a, par exemple, tu avais interviewé entre autres Thierry Corbarieu, Ouais. qui vient de terminer une traversée de l'Atlantique à la rame avec son fils, qui a fait toutes les épreuves alors qu'il avait participé au Marathon des Sables, mais aussi des épreuves en Antarctique, en Ouais, Alaska, la Yukon. exactement, qu'il avait gagné, Ouais, Lydie la Ratod également. Ouais, c'est des gens au parcours incroyable. Il est entrepreneur, Ouais, Thierry. ouais. Ouais, pareil, c'est encore. C'est une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Voilà, pour moi, un aventurier, c'est ça. On n'a pas besoin d'être tanké comme The Rock, en fait. Voilà. Mais en fait, on se rend compte qu'avant tout, ce qui fait la différence dans ce genre d'épreuve, c'est le mental et la volonté. Voilà, et c'est vrai que Thierry, voilà, c'était une belle rencontre aussi, c'est un sacré gars, ouais. C'est un sacré gars qui va lui aussi jusqu'au bout de ses rêves. Après, il a les moyens de les réaliser, donc c'est ça qui est bien aussi, quoi. Parce que je pense que hein, on nous donne la possibilité d'aller faire un petit tour du monde à la rame ou quoi que ce soit, avec tous les moyens, on se dit, bah, pourquoi pas, hein, on y va. Hein. Mais bon, une fois, si on a le temps et l'argent et le soutien de la famille, je veux dire, pourquoi pas, hein. Après, les aventures restent belles, hein, mais bon, après, je pense qu'aussi, je sais pas, il y en a plein qui le disent, hein, mais que l'aventure, elle peut être au coin de ta rue, quoi. Voilà. En effet, surtout à Nice, peut-être, hein, c'est dangereux, non, Après, moi, comme. j'ai les collines, j'ai tout, j'ai la mer, donc, voilà, moi, alors ici, c'est vraiment un terrain de jeu, ça, voilà, c'est aussi une chance d'habiter là. Voilà. Enfin, en plus, le climat, quoi. Dans tous ces gens que tu as pu interviewer dans ta carrière qui n'est pas terminée, est-ce qu'il y a Ah, ça se termine, ça se termine. Oh, encore un petit peu quand même. Hey, oh. Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des Ouais. personnalités que tu aurais Ouais. vraiment. Et tu as peut-être encore un espoir, je ne sais pas. Bah, pour lui, non. J'aurais adoré voilà, rencontrer Thierry Sabine, ça c'est clair, fondateur du Dakar, parce que lui aussi, il avait un parcours atypique. Mais en fait, c'est un peu le parcours de Bauer, en fait. Voilà, il y a des similitudes. Donc lui, j'aurais adoré le rencontrer. Voilà, ma grosse frustration, et cet homme-là, je l'ai connu beaucoup plus tard, parce que maintenant, il fait partie de mes bonnes connaissances, de mes amis, c'est Patrick Brignoli, qui était quand même, au sein des Saints, c'était le fondateur du Raid Gauloise. Donc voilà, en fait, lui, c'était celui qui était l'homme de l'ombre. Patrick, oui, Patrick Brignoli, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ma frustration, ouais, c'est de ne pas avoir pu réaliser, de couvrir un raid gauloise. Et je trouve que, voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui à mon palmarès. J'aurais adoré faire de couvrir ce type d'épreuve. Parce que là aussi, on retrouve l'essence même de ce que j'aime, quoi. Les gens qui font des choses extraordinaires, qui se mettent dans le rouge, voilà, qui arpentent des zones hostiles. Voilà, ça me plaît, quoi. Après, voilà, il y a autre chose qui me trotte un peu dans la tête. J'aimerais bien suivre une vraie expédition. Voilà, que ça soit voilà, une expédition. Dans le Grand Nord ou en montagne ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, ouais, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien, voilà, la cocher. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands raids d'aventure comme le raid gaudois, ça n'existe plus. Non, c'est parce que c'est trop cher. Ouais, peut-être que ce qui s'en approche un petit peu, alors dans un style très différent, ce sont les raids multisports, tu sais, les Coupes du Monde, ce genre de Ouais, choses, où il y a ouais, ouais. des gens qui vont vraiment très loin dans l'effort physique pendant 8 jours à peu près, en multisport, en équipe, pareil. Ouais. Mais ma frustration, c'est de connaître enfin voilà, ça fait maintenant peut-être 5 ans que je connais Patrick Brignoli. Et je me dis, mais pas de bol, quoi. Pourquoi je le connais que maintenant? Si je l'avais connu il y a 15 ans avant, voilà, je serais parti, quoi. Et voilà, et parce que c'était extraordinaire. Et quand j'ai pu rencontrer des participants, en fait, qui avaient fait ce raid gauloise, ils disent tous que c'était une épreuve titanesque, en fait. Ça devait être quelque chose de grandiose, quoi. Et en plus de là, c'est aussi la découverte de pays, de culture ou quoi que ce soit. C'est ce qui est vachement intéressant. C'est ça qui est chouette, quoi. Donc voilà, on verra ce que nous réserve l'avenir. Est-ce que il y a des alors tu nous as parlé d'un Tintin, Indiana Jones, est-ce qu'il y a des livres comme ça, des films ou même des personnalités qui t'ont vraiment marqué Après, voilà, ça va rester lambda, mais oui, à l'époque, forcément, il y avait Hulot, hein, Nicolas Hulot, qui avait vraiment défriché le terrain pour tout le monde. Hein, c'était le seul personnage, en clair, qui nous donnait la possibilité d'avoir de l'aventure à la télé. Il y a eu lui. Après, moi, il y a quand même pas mal de pilotes du Dakar qui me faisaient rêver de la main, que ce soit Auriol ou quoi. Par exemple, Auriol, voilà, j'ai eu l'occasion, c'était le directeur de course lorsque j'y étais en 2002. Pour moi, aujourd'hui, quand je fais l'Africa, parce que l'Africa, il y a pas mal d'anciens du Dakar qui le font, pour moi, c'est comme si je rencontrais Zidane ou un Platini ou quoi que ce soit. Voilà, moi, je suis fan de ça. Je suis fan de ces gars-là. Donc, pour moi, c'est voilà, quand je suis sur ce genre d'épreuve, c'est le rêve éveillé. Je suis un gamin, quoi. Voilà. Après, en personnalité, après, oui, il y a eu des films, il y a eu des films marquants. Bon, les films d'aventure classiques, voilà, quand on est gamin, Indiana Jones ou quoi. Mais après, il y a des films un peu plus profonds. Un film qui m'a vraiment mis la larme à l'œil, c'était Into the Wild. Into the Wild, quand je l'ai vu au cinéma, ça m'a mis une sacrée claque quand même. Parce que voilà, c'est une super histoire et je crois qu'au fond de nous, c'est peut-être. On se dit, ouais, pourquoi pas? Le gars, il est allé jusqu'au bout de son truc, il a vécu une vraie aventure, quoi. Là, c'est pas une aventure organisée, en fait. Hein. Non. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. Et le mec, il est allé Et jusqu'au bout de ses rêves. Malheureusement, ça se termine mal. tu Mais. partages la conclusion de ce roman et de ce film, le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Ouais, je pense, ouais. Bien sûr. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est que chez nous, enfin, au sein de ma famille, je suis le seul en fait. Mes gamins, c'est pas trop le trip. Ma femme encore moins. Elle, l'aventure, c'est les grands magasins et le shopping. Voilà, ça, c'est son aventure à elle. Voilà, je me. Enfin, voilà, c'est donc partage. J'aimerais bien partager un truc fort comme ça avec que ça soit mon fils ou mes filles ou mon épouse, mais non, c'est pas possible. Donc là, c'est vrai que c'est un peu égoïste. Alors, ce qui était compliqué et ce qui reste compliqué, c'est quand je pars comme ça. Par exemple, Africa, c'est 3 semaines. Quand je pars 3 semaines et que je reviens, en fait, bah, tu partages pas grand-chose en fait, parce qu'en fait, tu peux pas raconter. Parce que en fait, mais alors, je compare ça au. Je pense que c'est assez parlant. Lorsque les grands-parents reviennent d'un voyage que ça soit à Peter Hochnock ou quoi, et qui reviennent avec leurs photos, ou à l'époque c'était les diapos, et qu'on faisait une soirée diapo, enfin un dimanche après-midi diapo, machin, et ah oui, et qui nous racontaient leurs vacances, ça, en fait ça parlait qu'à eux en fait. Nous, on partageait pas, en fait, on n'y était pas. Donc, et moi, je vis ça, en fait. Quand je reviens, bah, en fait, je peux pas trop partager parce qu'ils ne l'ont pas vécu, quoi. Et en fait, ils comprennent pas trop qu'on vit. Et ils comprennent surtout pas trop pourquoi on arrive fatigué. Pour eux, on revient de vacances. Voilà. Ça, ça a été mon cas. Je confirme que ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, mais forcément, on revient, on est bronzé, on est allé dans le désert, on a fait des trucs, on s'est éclaté, quoi que ce soit, mais à la fois, ça reste du boulot, hein. Voilà. Ah si, il y a eu un beau truc à l'issue de l'Africa, de l'émission qu'on fait, qui s'appelle AER Inside, qui s'est pas fait cette année, mais qui revient normalement l'année prochaine. On avait eu les félicitations de Gérard Rolls. Voilà. Et là, je me suis dit, pas mal, gamin. Ouais, en effet, belle célébration. Ouais, Dis-moi, évoquons un tout petit instant sans nous attarder l'avenir. Comment tu te vois dans 10 ans? à la Est-ce retraite. que tu feras toujours tes combien 50, 100 pompes avant Ouais, de en te non, levant non, et n'exagère pas, n'exagère pas. Je suis peut-être à 50 pompes, tranquille. Je pourrais monter un peu plus, mais bon, voilà, j'ai pas forcément envie de monter pour trop. Mais oui, j'espère. En tous les cas, je fais tout pour. Je fais tout pour. Et puis, ouais, et puis, bah, écoute, partager. J'espère que j'arriverai à emmener au moins mon épouse sur des trucs un peu sympas. Je sais qu'il lui faudra un hôtel un peu sympa, mais si je peux la faire sortir un petit peu de l'hôtel pour lui faire voir autre chose, voilà, ça, j'aimerais bien qu'on y arrive, ouais. Ça, voilà. Moi, je me vois bien, ouais. Mais voilà, et je me vois aussi bien passer le flambeau à la jeune génération. Voilà. Moi, sincèrement, la retraite, ça me fait pas trop peur, quoi. Enfin, si je suis encore en forme, quoi. Voilà. Enfin, ici, on l'a, quoi. Oui, c'est plutôt ça. Pour terminer, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils d'ailleurs à donner à des gens, ces anonymes dont on parlait tout à l'heure, qui rêvent devant les aventures dont on parle, là, qu'on évoque, et bah, qui ont du mal à franchir le pas, qui hésitent un peu, qui savent pas par quel biais s'y prendre? Quand j'étais prof à l'école de journalisme, je disais à mes élèves, qui avaient une vingtaine d'années, hein, je disais, ne rêvez pas de votre vie, faites de votre vie un rêve. Mais c'est vrai en fait. Et franchement, je pense enfin, je pense que c'est trop dommage en fait d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, ah, si j'avais su, je l'aurais fait. Mais en fait, il faut pas avoir peur de le faire, en fait. Si en fait, c'est une volonté profonde, en fait. Si il y a cette petite voix qui vous guide et qui vous dit, mais il faut le faire et tout. Qu'est-ce qui fait peur, en fait? C'est d'aller affronter l'inconnu, mais après, ça ouvre tellement de perspectives, en fait. C'est sortir sa zone de confort, ça ouvre énormément de perspectives. Et ça aussi, pour moi, ça a été un leitmotiv, en fait. Dès que j'ai commencé à m'ennuyer quelque part ou quoi que ce soit, j'ai besoin de changement, en fait. J'ai besoin d'aller me confronter à autre chose. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, en fait. Voilà. J'ai besoin d'aller voir autre chose. Me mettre un peu ouais, en difficulté, ou me donner de nouveaux challenges ou quoi. En fait, je pense que ce qui fait aussi l'essence de la vie, c'est ce côté où on a besoin de vibrer, quoi. Se sentir vivant et dans ce genre d'épreuve. Mais quelle que soit l'épreuve, en fait, pour quelqu'un qui veut se lancer sur un semi, c'est une aventure pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Voilà, parce que ça passe par des phases d'entraînement. Est-ce qu'on va y arriver? Là, après, il y a cette satisfaction de passer la ligne d'arrivée. Voilà. Et en fait, il faut commencer par étapes. Mais ça apporte tellement de choses. Ouais, je pense que c'est hyper important, en fait. Mais après, quels que soient ses rêves, en fait, voilà, on parle d'épreuves sportives, mais il y en a d'autres qui s'accomplissent dans d'autres domaines. Mais il faut surtout, voilà, avoir l'impression d'être vivant, en fait. Crois que c'est ça. Sortir de sa zone de confort Ah et ouais, mais vivre complètement. pleinement. Mais complètement, surtout qu'on en est complètement capable, en fait. C'est ça. En fait, ce qui nous paralyse, c'est la peur de ne pas réussir. Mais bon. Si on ne le tente pas, on ne sait pas si on va réussir ou pas. Donc, bah, autant le faire et puis se donner les moyens de le faire. Voilà. Et puis après, voilà. Mais bon, moi, j'ai toujours dit que je faisais un métier d'illusionniste. Donc, voilà. Moi, je me suis toujours amusé dans ma vie. Donc, c'est ça qui est chouette, quoi. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Moi, j'ai joué aux journalistes. Alors, ça aussi, ça, c'est important. Qu'on me dit, ouais, t'es journaliste ou quoi. Je me suis jamais senti journaliste. Ce qui est rigolo, c'est que pour moi, la vie, c'est un rôle. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que chacun a un. C'est comme une grande, c'est comme au cinéma en fait. On a chacun un rôle. Voilà, il y en a qui jouent aux policiers, il y en a d'autres qui jouent aux pompiers, il y en a d'autres qui jouent aux infirmiers ou aux infirmières, aux commerçants, aux commerçantes. Ben moi, j'ai joué toute ma vie aux journalistes et je me suis éclaté, quoi. Eh bien écoute, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Philippe. De rien, mon Manu. À bientôt, en tous les cas.